en face au désagrément que ceci peut engendrer. Et la preuve de tout ceci se trouve dans la parole d'Allah, quand il nous dit, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, en traduction relative et rapprochée, par le temps, certes l'être humain est en perdition, sauf ceux qui ont cru et ont œuvré dans le bien, se recommandant la vérité, se recommandant la patience. Et l'imam al-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, si Allah n'avait révélé comme preuve à la création uniquement cette sourate, c'eût été amplement suffisant. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a intitulé un chapitre, la science précède la parole et l'action. Et la preuve de ceci se trouve dans la parole d'Allah quand il dit, en traduction relative et rapprochée, sache donc qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et demande pardon pour ton péché. فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم بدأ الشيخ رحمه الله رسالته بالبسملة donc le cheikh a commencé son livre en disant بسم الله الرحمن الرحيم عملا بالأحاديث الواردة بالافتتاح بالبسملة Walhamdallah, ma'amafiha min maqal. Donc, il a commencé son livre par Bismillahir Rahmanir Rahim, en application aux différents hadiths qui ont été rapportés dans ce sens, qu'il faut commencer les choses par Bismillah, même si ces hadiths, pour la plupart d'entre eux, il y a beaucoup de paroles. Il y a divergence sur l'authenticité de ces hadiths. Mais de façon générale, le sens de ces hadiths, sahihun. Wa ta'assiyan bi kitabillahi ta'ala. Également, l'auteur a commencé par Bismillahir Rahmanir Rahim. Ceci pour, par suivi du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yana kitab Allahi azza wa jal. بدأ بالبسملة نعم بالفاتحة التي أول أو التي بدأت بالبسملة donc comme dans sourate al-Fatiha par laquelle Allah SWT a commencé le Coran donc qui est débuté par la parole Bismillahir Rahmanir Rahim donc l'auteur نعم dans le suivi du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala a également commencé son livre par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa kadhalika an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yaktubuha fi awwal rasa'ilihi. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il écrivait des lettres, il les commençait par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tarasa'il allati arsalaha ila al-muluk yad'uhum ila al-islam. Comme les lettres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adressé aux différents rois de son époque afin de les inviter à entrer dans l'islam. Naam. Fakana yaktubuha fakana yabda'uha bi bismillahir rahmanir rahim. Il les commençait par bismillahir rahmanir rahim. Wa huwa alladhi daraja 'alayhi ahlul 'ilm qadiman wa haditha. Et ceci tous les savants, depuis les temps anciens, commençaient leurs livres par Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc l'auteur a suivi leur exemple également. Donc ce sont trois choses. فهذه ثلاثة أمور. يعني تبين سبب بدء المؤلف رسالته بالبسملة. أولا تأسيا بكتاب الله. وثانيا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وثالثا اتباعا وتأسيا بالعلماء القدامى. Donc, il a commencé donc son livre par Bismillahir Rahmanir Rahim pour ces trois choses-là, par suivi du Coran, par suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et par suivi des savants qui l'ont précédé. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم معناها الاستعانة الاستعانة بالله والتبرك باسمه سبحانه. Et les savants commençaient les livres par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim parce que par là ils demandent l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils recherchent la bénédiction à travers son nom, à travers le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. وقوله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. Puis lorsque l'auteur dit sache qu'Allah te fasse miséricorde qu'il est une obligation pour nous d'apprendre quatre points essentiels. هذا الخطاب موجه إلى كل قارئ وكل سامع وكل من يصلح أن يوجه إليه الخطاب. Donc lorsqu'il dit « Sache qu'Allah te fasse miséricorde », ceci est adressé à toute personne qui lit ce livre, ou bien qui l'entend, ou bien toute personne qui a un rapport avec ce livre-là. Donc, l'auteur a commencé en s'adressant au lecteur. « Wa hadha du'a'un min al-mu'allif li kulli qari'in bi an yarhamahu Allah » وهذا يدل على عناية الشيخ وشفقته بالمخاطب وقصد الخير له. Donc cette parole رحمك الله, qu'Allah te fasse miséricorde. نعم. Ceci est une invocation que l'auteur fait pour le lecteur, dans laquelle il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faire miséricorde. Et ceci montre que le shaykh Mohammed ibn Abdul Wahhab رحمه الله avait voyez une grande importance, portait une grande importance aux personnes à qui il faisait da'wah et qu'il avait de la compassion pour eux et qu'il cherche par là à leur enseigner leur religion et il espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur faire miséricorde. Thumma قال الأولى العلم. La première des choses que tu dois apprendre, c'est la science. المراد بالعلم هنا هو معرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة الله بآلائه ونعمائه ومعرفة الله بالآيات المتلوة والآيات الكونية معرفة توجب محبته سبحانه معرفة توجب خشيته وتعظيمه وتعظيم أمره وتعظيم شرعه توجب مراقبته تعالى وخشيته وفي النهاية المحبة. Donc lorsqu'il dit que la première des choses que nous devons apprendre est la science, ce qu'il veut dire par là, par la science, ce n'est pas n'importe quelle science. La science dont il parle, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses signes et ses bienfaits. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses versets et sa création. Et cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle va emmener l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الحب مبنيا أو مبني على المعرفة. Car l'amour est basé sur la connaissance. لا يمكن أن تحب شيئا لا تعرفه. Ce n'est pas possible que tu aimes une chose que tu ne connais pas. Donc cette connaissance va engendrer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala va engendrer son amour. Et la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala va engendrer la crainte. Que tu vas craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu vas le vénérer. Et que tu vas vénérer ses ordres. Et vénérer sa législation. Et tu vas prêter attention à ce que tu fais. Tu vas craindre Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَحَبَّةُ اللَّهِ هِيَ رُوحُ الْإِيمَانِ Et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'esprit de la foi. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'esprit de la foi. Wa imanul mar'i idha khala min mahabbati Allah ta'ala kal jasad al mayyit. Et si jamais la foi d'une personne n'est pas accompagnée d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est semblable à un corps mort. Une fois, quelqu'un qui dit qu'il croit en Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui n'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala, yani, quelle est cette foi? Elle n'a aucune valeur. ومعنى معرفة الله ليس معرفة بالدعوة فقط. Et le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas simplement de dire je connais Allah subhanahu wa ta'ala. Là. لكن معرفة الله يدخل في ذلك توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. Mais la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala rentre dedans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie et de l'unifier dans l'adoration et de l'unifier en reconnaissant ses noms et ses attributs qui lui sont propres. وكذلك يدخل في معرفة الله تصديق خبر الرب تعالى. Le fait de croire à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit. فَيَدْخُلْ فِيهِ الْإِيمَانُ بِالْكُتُبِ. Donc ça rentre dedans la foi au livre qu'Allah a révélé. وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ. Et le paradis et l'enfer. وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْغَيْبِيَّةِ الَّتِي يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهَا. Et bien d'autres choses, parmi les choses de l'invisible, qu'il est une obligation pour nous de croire. كُلُّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ. Toutes ces choses-là rentrent dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala et de connaître les choses dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a informés. وَقَوْلُ الْمُؤَلِّفِ وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ. Puis ensuite, l'auteur dit, نعم, par rapport à la science, بعدان قال هو معرفة الله قال ومعرفة نبيه. Donc après que l'auteur ait dit que la science c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis il dit et la connaissance de son prophète. ومعرفة نبيه تبعثك على تصديق كل ما أخبر به معرفة توجب طاعته وتصديق خبره واتباع هديه وتجريد المتابعة له بحيث لا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم بقول أحد. Donc la connaissance du prophète صلى الله عليه وسلم, c'est de le connaître, نعم, et cette connaissance doit amener à lui obéir et à croire à tout ce qu'il a dit et à suivre sa guidée. À suivre sa guidée et sa sunna, et de ne pas contrer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la parole de quiconque. والذين يعارضون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بآراء الرجال وربما يقدمون آراء الرجال على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرفوا نبي الله صلى الله عليه وسلم حق المعرفة. Et les gens qui contredisent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les paroles des hommes, ou même certains d'entre eux font devancer la parole des hommes avant celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces gens-là n'ont pas réellement connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأن من عرف بأنه رسول يطاع ولا يعصى وعبد لا يعبد ونبي لا يكذب لا يمكن أن يعارض أقواله وسنته بقول أي أحد. Car Celui qui connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait et qui sait que c'était un messager d'Allah qui doit être obéi et auquel on ne doit pas désobéir, et qu'il était un serviteur, une créature qui ne doit pas être adorée, et qu'il était un prophète qui ne doit pas être démenti. Celui qui sait ça, ce n'est pas possible qu'après avoir su cela, ce n'est pas possible qu'il contredise la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il fasse passer la parole des hommes avant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. ثم قال ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Donc, نعم. Ensuite, le cheikh dit que la science, donc il a dit, c'est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète et la connaissance de la religion de l'islam par les preuves. يقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. Allah nous dit dans le Coran, dans le sens rapproché du verset, certes la religion auprès d'Allah c'est l'islam. كل ما أرسل الله به رسله فهو إسلام. Toutes les choses avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes, ça rentre dans l'islam. لأن الإسلام له معنيان. Car l'islam a deux sens. Ma'nan 'am, un sens général. Wa huwa dinullah 'azza wa jalla alladhi arsala bihi rusula. Naam. Le sens général du mot islam, de la religion de l'islam, c'est la religion avec laquelle Allah a envoyé les prophètes. Wa hiya tawhiduhu wa ta'atuhu wa ta'ati rusulihi. Et cette religion avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes, excusez-moi, c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et de lui obéir et d'obéir à ses prophètes. Tous les prophètes sont venus avec ce message. جميع الأنبياء جاءوا بهذه الرسالة كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités. » Wa qal, subhana, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'iznillah. Et nous n'avons envoyé aucun prophète si ce n'est pour qu'il soit obéi par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. فجميع الأنبياء جاءوا بالدعوة إلى التوحيد إلى توحيد الله وإلى طاعته وطاعة رسله. Donc tous les prophètes sont venus avec le message d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et de lui obéir et d'obéir à ses prophètes. فهذا هو معنى الإسلام العام. فهذا هو المعنى العام للإسلام. Donc ceci est la signification générale du mot islam. C'est la religion avec laquelle sont venus les prophètes. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lahu ma'na khas. L'islam lahu ma'na khas. Et l'islam a un sens particulier, précis. Wa huwa ad-din alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Et le sens donc particulier de l'islam, c'est la religion avec laquelle est venu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وهو المقصود عند الإطلاق. Et c'est ce qui est voulu lorsqu'aujourd'hui on dit le terme, lorsqu'aujourd'hui on dit, on parle de l'islam, on parle de la religion avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. لأنه آخر الرسل ورسالته آخر الرسائل. Donc, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers et son message est le dernier des messages avec le yani, avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un homme. فيجب علينا معرفة هذا الدين الذي هو الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il est une obligation pour nous de connaître cette religion avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فبه تعرف الأديان الأخرى. En connaissant l'islam, en étudiant l'islam, tu vas connaître les autres religions. المقصود المقصود هنا يعني الكتب المتقدمة. يعني ce qui est voulu par là, là يعني lorsqu'il dit les autres religions, يعني les autres messages qui ont précédé, نعم, le message de l'islam avec lequel est venu le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. فتعرف ما جاء به موسى وما جاء به عيسى وما جاء به غيرهم من الأنبياء. Donc tu connaîtras ceux avec quoi est venu Moussa. Celui qui étudie l'islam connaîtra ceux avec quoi est venu Moussa, et ceux avec quoi est venu Isa, et ceux avec quoi sont venus les prophètes. وَبِهِ يعني بِمَعْرِفَةِ دِينِ الْإِسْلَامِ تَعْرِفُ الرُّسُلِ وَمَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلِ وَتُحِبُّ الرُّسُلِ وَتُصَدِّقُ الرُّسُلِ. Donc, en connaissant l'islam, tu vas connaître donc les messagers qu'Allah a envoyés, et ceux avec quoi ils sont venus, et puis tu vas les aimer et tu vas croire à ce qu'ils ont dit. فدين الرسول صلى الله عليه وسلم هو المفتاح لذلك. La religion du prophète صلى الله عليه وسلم, du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, donc c'est la clé qui t'ouvre les portes de la connaissance de la religion d'Allah سبحانه وتعالى à toutes les époques. ثم قال الشيخ بالأدلة يعني avec les preuves. كل ذلك وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام كل ذلك لا بد أن يكون بالأدلة. Donc le شيخ dit par les preuves. La science c'est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète et la connaissance de la religion de l'islam par les preuves. Ce mot-là, ou cette phrase par les preuves, elle revient à tout ce qui a précédé. Donc tu dois connaître Allah subhanahu wa ta'ala par les preuves. Et tu dois connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam par les preuves. Et tu dois connaître la religion de l'islam par les preuves. والدليل ما هو الدليل ما هو الدليل يعني comment on sait que comment on reconnaît une preuve, qu'est-ce qu'une preuve, car il nous dit d'apprendre ces choses-là ou de connaître ces choses-là par les preuves. Comment allons-nous savoir que ceci est une preuve ou ceci n'est pas une preuve? الدليل كما قال بعض الشراح الدليل هو قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. Donc la preuve, comme l'ont expliqué beaucoup de savants, la preuve, elle se trouve dans la parole d'Allah, la parole du prophète صلى الله عليه وسلم et le consensus des sahaba. Le consensus des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est la preuve. Al-kitab wa sunnatu wa al-ijma'. La preuve c'est le Coran, la sunna et le consensus. Wa amma aqwal al-ulama, quant aux paroles des savants, falaysat adilla fi dhatiha. Quant aux paroles des savants, ce ne sont pas des preuves en elles-mêmes. Lorsqu'un savant énonce un avis, ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas parce qu'un savant a dit une parole que forcément sa parole est vraie. Fa aqwal al-ulama laysat adillatun aw laysat adillatan fi dhatiha. Wa innama هي شرح وتوضيح لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءوا بما يؤيد أقوالهم بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع فكلامهم مقبول. Donc, nous disions que les paroles des savants donc, ne sont pas des preuves en elles-mêmes, mais ce n'est qu'une explication et un éclaircissement de la parole d'Allah et de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsqu'un savant vient et énonce un avis, s'il appuie son avis avec des preuves du Coran et de la Sunna et du consensus, alors à ce moment-là, sa parole est acceptable. Et si lui ne rapporte pas, même si le savant ne rapporte pas de preuves sur ce qu'il dit, nous allons regarder. Nanzur, هل في الأدلة ما يؤيد كلامه؟ Est-ce que dans les textes il y a quelque chose qui appuie son avis, aula ou non? فإن جاء ما يؤيد كلامه فيقبل. Donc si on trouve des textes qui appuient son avis, nous allons accepter son avis. La li annahu kalamuhu lakin li annahu mu'ayyadun bil adilla. Non pas parce que c'est la parole de tel savant, mais parce que les textes appuient son avis. Wa lidhalika kathiran ma aqul yani 'inda al khilaf la ta'khudh al qawl alladhi تهواه ولكن خذ القول الذي يقنعك. C'est pour ça que je dis souvent, lorsqu'il y a une divergence entre les savants sur une question, ne prends pas l'avis qui te convient, mais prends l'avis qui te convainc. نعم هذا فرق يعني القول الذي يناسبك والقول الذي يقنعك فرق بين القولين. Il y a une différence entre l'avis qui te convient et l'avis qui te convainc. Du verbe convaincre. T'es convaincu. Naam. Fa amma idha wajadna anna an-nusus tukhalif qawl al-'alim falan na'khudh biqawlihi. Tandis que si nous voyons que les textes contredisent la parole de ce savant et l'avis de ce savant, alors nous n'acceptons pas cette parole de ce savant. Naam. فإن كان من أهل السنة واجتهد في مسألة اجتهادية فتحفظ كرامته. Donc, nous n'acceptons pas sa parole, mais si c'est un savant qui fait partie des savants de la Sunna et qu'il a fait un ijtihad, il a fait un effort d'interprétation dans une question sur laquelle on peut faire un effort d'interprétation, alors, nous n'acceptons pas sa parole, mais nous préservons sa dignité, la dignité de ce savant. وَإِنْ كَانَ هَذَا الْعَالِمِ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ. Et si ce savant fait partie des savants de l'innovation et de l'égarement, فَإِنَّهُ يُحَذَّرْ مِنْهُ. Et si ce savant fait partie des savants de l'égarement et de l'innovation, nous mettons en garde contre lui. لَنَّهُ مُتَّبِعٌ لِهَوَى. Car c'est quelqu'un qui suit sa passion. وَطَبْعًا. Et bien sûr, هذا الحكم, الحكم بالسنة والبدعة ليس لأحد الناس. Et bien sûr, le fait de porter un jugement sur des gens qui font partie de la sunna ou qui font partie de la bid'a ne revient pas au commun des musulmans, à n'importe qui. وإنما ذلك لأهل العلم. Mais ceci revient aux savants. العلماء هم الذين يبينون من هم أهل السنة ومن هم أهل البدعة. Les savants, ce sont eux qui déterminent qui sont les gens de la sunna et qui sont les gens de la sunna. نعم. فالمهم أن أقوال العلماء ليست أدلة في ذاتها. Donc, en résumé, les paroles des savants ne sont pas des preuves en elles-mêmes. نعم. Mais elles nous servent à comprendre les textes. ثم قال الشيخ الثانية العمل به. La deuxième ou le deuxième point essentiel qu'il est une obligation pour nous de connaître et d'apprendre, c'est que nous devons appliquer la science. Appliquer la science qu'il nous a citée précédemment, qui est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète et la connaissance de la religion de l'islam. بعد أن علمت أو عرفت الله عز وجل وعرفت نبيه وعرفت دين الإسلام لا بد أن تطبق ذلك في حياتك اليومية. Une fois que tu as connu Allah et son prophète et sa religion, même la religion de l'islam, à partir de ce moment-là, une fois que tu connais ça, tu dois l'appliquer dans ta vie de tous les jours. والعمل الصالح هو الخالص لله الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et la bonne œuvre, c'est l'œuvre qui est sincère, qui est faite sincèrement envers Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fahadhan shartan liqaboul al-ibada. Donc ceci sont deux conditions afin que l'adoration, l'acte soit accepté. الإخلاص الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى. La première des conditions est la sincérité envers Allah سبحانه وتعالى. أن لا تبتغي بهذا العمل إلا وجه الله. لا تقصد رياء ولا سمعة ولا ثناء الناس عليك ولا جاها ولا مالا بل تقصد وجه الله عز وجل وثوابه. Donc, la première des conditions qui est la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu ne recherches à travers ton acte que la satisfaction d'Allah. Tu ne recherches ni ostentation, ni à ce que les gens fassent des éloges, ni tu ne recherches par là à avoir une place dans la société et dans la communauté, ni tu recherches par là à avoir des biens et de l'argent. Ou n'importe quelle autre chose parmi les choses de ce bas monde. Mais tu ne recherches qu'une seule chose, c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa récompense. هذا هو الشرط الأول. Ceci est la première condition. الإخلاص, la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. الشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. La deuxième condition, c'est de suivre dans cet acte-là le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فلا تعمل عملا إلا وعرفت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله. Donc tu ne fais rien dans la religion avant que tu aies su comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette chose-là. ولذلك جاء في الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. C'est pour cela qu'il est venu dans les hadiths, نعم, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: faites la prière comme vous m'avez vu prier. Faites la prière comme vous m'avez vu prier, de la même façon que vous m'avez vu prier. هل يمكن لأحد لم يتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن يصلي؟ Est-ce que quelqu'un qui n'a pas étudié la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la salat, est-ce qu'il pourra prier correctement? وَيَكْتَفِي بِالْقُرْآنِ يَقُلْ أَنَا أَكْتَفِي بِالْقُرْآنِ. Il se dit, moi le Coran me suffit. Je n'ai pas besoin de la sunna. Je n'ai pas besoin d'étudier les hadiths. Est-ce qu'il pourra connaître? Est-ce qu'il pourra pratiquer sa salat? لا يمكن. Ce n'est pas possible. لِأَنَّ فِي الْقُرْآنِ لَمْ تُذْكَرْ عَدَدُ الرَّقْعَاتِ ولا ما تقرأ في القرآن في يعني في في القيام ولا ما تقوله في الركوع في السجود. Car dans le Coran il n'est pas écrit le nombre de rak'at que tu dois faire pour chaque salat. Il n'est pas écrit ce que tu dois réciter lorsque tu es debout. Il n'est pas écrit ce que tu dois dire lorsque tu es en ركوع, en inclinaison, ou lorsque tu es en prosternation. Tout ceci n'est pas écrit dans le Coran. وإنما عرفته بأحاديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم. Mais tu connais ces choses-là en lisant les hadiths. الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. Les compagnons qui ont vu le prophète صلى الله عليه وسلم prier, ce sont eux qui nous ont rapporté comment doit être effectuée la prière. نعم. إذن يعني بصفة عامة لابد أن تدرس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تعمل عملا. Donc tu dois étudier la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم pour pouvoir, pour savoir comment tu dois effectuer chaque acte d'adoration dans ta religion. وهناك نقطة وهنا نقطة وهي أن لابد أن نعلم أن العمل هو ثمرة العلم. Là, il y a un point sur lequel nous devons nous arrêter. Nous devons savoir que la pratique, l'application, c'est le fruit de la science. L'application et la pratique, c'est le fruit de la science. فَمَنْ عَلِمَ وَلَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ فَعِلْمُهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ حُجَّةٌ عَلَى نَفْسِهِ. Donc celui qui connaît et qui n'applique pas sa science, qui n'applique pas ce qu'il connaît, eh bien, sa science est une preuve contre lui. C'est une preuve contre lui. وَمَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمْ فَعِلْمُهُ عَفْوًا وَمَنْ عَمِلَ بِدُونِ عِلْمْ. قلنا في الأول من علم فلم يعمل عنده علم لكن لم يعمل بعلمه فهذا علمه حجة على نفسه. Donc je disais, celui donc qui sait mais qui n'applique pas, sa science est une preuve contre lui. ومن عمل بدون علم فعمله وبال عليه وضلال. Et quant à celui qui fait des actes mais sans science, qui fait des actes sans science, sans connaissance, eh bien, son acte n'est qu'égarement et son acte est vain, il ne sert à rien. لِأَنَّهُ لَمْ يُبْنَى عَلَى الدَّلِيلِ, car il n'a pas été basé sur une preuve. وَلِهَذَا قَالَ سُفْيَانِ بْنُ عُيَيْنَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ فَسَدَ مِنْ عُلَمَائِنَا ففيه شبه من اليهود من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. هذا كلام سفيان بن عيينة قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. دوك سفيان بن عيينة disait: nos savants qui se sont égarés, les savants musulmans qui se sont égarés, ils ont une ressemblance avec les juifs. Et nos adorateurs, ceux qui font des actes d'adoration, parmi les musulmans, les musulmans qui font des actes d'adoration, les adorateurs égarés ont une ressemblance avec les chrétiens. Ceci est la parole de Sofyan ibn Uyayna. Les savants égarés de la communauté musulmane ont une ressemblance avec les juifs. Et les adorateurs égarés de la communauté musulmane ont une ressemblance avec les chrétiens. لماذا قال سفيان ibn Uyayna هذا الكلام. Pourquoi Sofyan ibn Uyayna a-t-il dit cela? لأنه جاء في بعض الأحاديث في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جاء في بعض الأحاديث أن المغضوب عليهم هم اليهود والنصارى هم الضالون. Il a dit cela car il est venu dans certains hadiths pour, dans l'explication du verset que nous récitons tous dans Surat al-Fatiha. Le dernier verset dans lequel nous disons non celui des égarés, non le chemin des égarés, non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Il est venu dans certains hadiths l'explication de ce verset. Que ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les juifs. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah, ce sont les juifs. Et ceux qui sont égarés, ce sont les chrétiens. وقد بين العلماء أن الله غضب على اليهود لأنهم لم يعملوا بعلمهم لأنهم علموا ولم يعملوا. Donc les ulama expliquent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a été en colère envers les juifs car ils ont su mais n'ont pas appliqué. فكل عالم كل من علم شيئا في دين الله عز وجل ولم يعمل به ففيه شبه من اليهود وبالتالي يعني قد ينزل عليه غضب الله كما نزل على اليهود. Donc toute personne qui connaît une chose dans la religion et qui ne l'applique pas, cette personne-là a une ressemblance avec les juifs. Toute personne qui connaît une chose dans la religion et qui ne l'applique pas, il a une ressemblance avec les juifs. Il a une ressemblance avec les juifs. Et il se peut que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala descende sur lui comme elle est descendue sur les juifs. وكذلك بين العلماء أن النصارى ضالون لأنهم عملوا بدون علم. Et également, les savants expliquent que les chrétiens sont égarés. Allah les a qualifiés Allah les a qualifiés d'égarés car ils ont agi sans science, sans connaissance. فكل من عمل شيئا من العبادة بدون علم ففيه شبه من النصارى وهو ضال. Et donc, toute personne qui fait un acte d'adoration dans la religion sans science, eh bien cette personne-là a une ressemblance avec les chrétiens et il est égaré. فلذلك قال هذا قال سفيان بن عيينة هذا الكلام. C'est pour cela que Sofiane ibn Uyayna a dit cette parole. Que les savants musulmans, les savants égarés de cette communauté ont une ressemblance avec les juifs. Et les adorateurs égarés de cette communauté ont une ressemblance avec les chrétiens. ثم قال الشيخ الثالثة الدعوة إليه. Le troisième point essentiel, c'est le fait d'appeler à cette science. الدعوة إلى علم إلى هذا العلم الذي هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Qui est donc, tu dois prêcher et inviter les gens à cette chose, à la science, à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance de son prophète et la connaissance de l'islam. والدعوة تكون بعد العلم. Et le prêche ou la prédication, elle vient après la science. بعد أن تعلم وتعمل بعلمك تدعو الناس إلى هذا العلم. Une fois que tu as connu, tu as su quelque chose, tu l'appliques et tu appelles les gens à cela, à l'appliquer. والدعوة واجبة على كل مسلم. Et la prédication, la da'wa, c'est une obligation pour tout musulman. بحسب علمه. en fonction de sa connaissance. La yatrul fima la ya'lam. Il ne rentre pas dans ce qu'il ne connaît pas. Naam. Ad-da'watu wajibatun 'ala kulli muslimin. 'Arafa rabbahu wa 'arafa nabiyahu wa 'arafa din al-islam. وجب عليه أن يدعو إلى الله ويدعو إلى دينه وإلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. Tout musulman, il lui est demandé de faire da'wa, d'appeler les gens. Naam. Si lui, il a connu Allah, qu'il a connu le prophète et qu'il a connu la religion de l'islam, il doit appeler les gens à cela. Il appelle les gens à ce qu'il connaît de la religion. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. لو عرفت شيئا واحدا في الدين بالدليل, لأن كما قلنا العلم مبني على الدليل. لو عرفت شيئا واحدا من الإسلام بالدليل وجب عليك العمل به وتبليغه. Une fois que, yani, c'est une obligation pour toi, si tu as connu une chose dans la religion, de l'appliquer et d'appeler les gens à cette chose-là. Tu as connu une chose, ne serait-ce qu'une seule chose. Naam, avec les preuves, tu dois l'appliquer et appeler les gens à cela. وذلك لأن العلم أمانة على صاحبه. Car la science c'est une responsabilité pour celui qui la porte. C'est une responsabilité. فالواجب عليه التبليغ والبيان. Donc il est une obligation pour lui. Naam. Yani de propager et de transmettre cette science. فقد قال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le sens rapproché du verset, et lorsqu'Allah prit l'engagement des gens du livre d'expliquer le livre, d'expliquer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a révélé et de ne pas le cacher, Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'engagement des gens du livre, les juifs et les chrétiens, et nous-mêmes aussi également, il a pris sur nous cet engagement, il a pris de nous cet engagement de transmettre la science, de transmettre ce qu'Allah nous a dit dans ce Coran et ce que le prophète nous a enseigné. Donc c'est une responsabilité sur nos épaules de transmettre cette connaissance. حتى ينتشر الخير, pour que le bien se répande. والدعوة وظيفة الرسل مما يدل على فضل الدعوة أنها وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. Et parmi les choses qui montrent le mérite de la da'wa, c'est que la da'wa était la mission des prophètes. Tous les prophètes avaient pour mission de propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc فالذي يدعو إلى الله يعمل مثل عمل الأنبياء والمرسلين. Donc celui qui fait la da'wa, il va faire la même chose que ceux que tous les prophètes ont fait. وكذلك الدعوة طريقة أتباعهم. Et également la da'wa, c'est le chemin que suivent les suiveurs des prophètes. Ceux qui suivent les prophètes, eh bien ils font la da'wa. كما قال سبحانه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens rapproché du verset, en s'adressant au prophète Mohammed sallam, il lui dit voici mon chemin, j'appelle à la religion d'Allah avec clairvoyance, avec connaissance, moi et ceux qui me suivent. فوصف نفسه وأتباعه بالدعوة إلى الله على علم. Donc le prophète, donc Allah s.w.t. ordonne au prophète de dire aux gens que son chemin, le chemin qu'il suit, lui et ceux qui le suivent, c'est le chemin de quoi? De la da'wah à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec science. وَالدَّعْوَةُ دَعْوَةً الدَّعْوَةُ دَعْوَةً سَجِّلُوا هَذَا يعني inscrivez ça dans vos cahiers. La da'wa, elle se divise en deux. Il y a deux types de da'wa. طبعاً حتى يطمئن الجميع يعني أنا في هذا الشرح أعتمد على شرح شيخ محمد أمان الجامي رحمه الله وقد أتيت ببعض يعني فوائد الأخرى بعض الفوائد الأخرى مما قرأته في شروح الأخرى من مثل شرح الشيخ العثيمين وشرح الشيخ الفوزان وشرح الشيخ زيد المدخلي وغيرهم حفظهم الله تعالى ورحم الله من مات. Donc afin que les gens soient tranquillisés dans l'explication de al-usul al-thalatha des trois fondements, je me base sur l'explication de Cheikh Mohamed Aman al-Jami rahimahullah, qui était un des plus grands savants en Arabie il y a quelques années de cela et qui est mort il y a quelques années, il y a environ une dizaine d'années. Donc je me base sur son explication et j'ai rapporté aussi d'autres explications sur les côtés dans, que j'ai pris de d'autres livres, comme l'explication de Cheikh Al-Uthaymin ou l'explication de Cheikh Al-Fawzan ou l'explication de Cheikh Zayd Al-Matrali et d'autres, qu'Allah préserve ceux qui sont encore vivants parmi eux et qu'il fasse miséricorde à ceux qui sont morts. هذا كلام شيخ محمد أمان الجامي. Donc ceci est la parole de Cheikh Mohamed Aman al-Jami. يقول والدعوة دعوتان. نعم. Donc la da'wa, elle est de deux types. الأولى دعوة تأسيس. دعوة تأسيس. La première, c'est une da'wa pour mettre des bases, pour donner des bases, pour édifier, pour construire. نعم. وهذه يقول الشيخ وهذه عندما توجه الدعوة إلى غير المسلمين فتعلمهم العقيدة وتعلمهم الدين الإسلامي بالتفاصيل على حسب استطاعتك. Donc cette première da'wa, la da'wa donc d'édifice, نعم, la da'wa édificatrice, c'est celle qui est adressée aux non-musulmans. نعم, celle qui est adressée aux non-musulmans, on l'appelle da'wa tuta'sis. Da'wa édificatrice, lorsqu'elle est adressée aux non-musulmans, afin qu'ils rentrent dans l'islam, tu leur enseignes la croyance islamique et la religion islamique, en fonction de tes capacités et de ta science, ce que tu connais. نعم. هذه الأولى دعوة تأسيس. والثانية دعوة تصحيح. دعوة تصحيح. La deuxième, le deuxième type de da'wa, c'est une da'wa de correction. وهي الدعوة الموجهة إلى المسلمين الذين انحرفوا عن دينهم أو جهلوا العبادة الصحيحة أو الذين دخل عليهم الشرك في عبادتهم والانحراف في أحكامهم والذين جهلوا معنى لا إله إلا الله. Donc, cette da'wa, la da'wa donc de correction, c'est celle qui est adressée aux musulmans. Les musulmans qui ont dévié, qui se sont égarés dans leur religion, ou qui ignorent comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ou les musulmans chez qui est rentré des formes de shirk, chez qui sont rentrées des formes de shirk, ou des musulmans qui ont dévié en ce qui concerne le fait d'appliquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ha'ula tuwajjahu ilayhim نعم الدعوة وتسمى دعوة تصحيح تصحح عقيدتهم وتصحح عبادتهم وتصحح أخلاقهم وتصحح معاملاتهم وجميع شؤونهم. Donc cette da'wa, la da'wa donc de correction qui est adressée aux musulmans, tu l'as fait afin de corriger la croyance des musulmans qui se sont égarés dans la croyance. Tu l'as fait pour corriger les adorations des musulmans, ceux qui font des erreurs dans leurs adorations, afin de corriger leur comportement, afin de corriger leurs transactions commerciales et leurs relations familiales. Et toutes les choses dans lesquelles ils commettent des erreurs, tu leur enseignes, الحق, tu leur enseignes la vérité dans ces choses-là. فهذه دعوة تصحيح. فيعني هذا يعني يعني افهموا هذا يعني comprenez bien cela. هناك دعوة تأسيس عفوا دعوة تأسيس وهناك دعوة تصحيح. Donc il faut bien comprendre cela qu'il y a une da'wa édificatrice et une da'wa correcte de correction. ثم قال المؤلف رحمه الله الرابعة الصبر على الأذى فيه. Le quatrième point essentiel que nous devons apprendre, c'est l'endurance des épreuves et des obstacles qui vont se poser devant nous lorsque nous allons faire tout cela. يعني الصبر على الأذى فيه الصبر على الأذى في تعلم العلم والصبر على الأذى نعم في العمل والصبر على الأذى في الدعوة تصبر على الأذى في كل ذلك تصبر على المشاق التي تواجهك أثناء طلب العلم وتصبر على المشاق التي تواجهك لأنك تعمل في أعمالك في عبادتك وتصبر على الأذى التي أو الذي يواجهك نعم إذا دعوت إلى الله عز وجل. Donc tu dois endurer les épreuves qui vont s'opposer à toi dans toutes ces choses-là. Les épreuves qui vont s'opposer à toi lorsque tu vas apprendre la science. Tu vas t'éprouver. Tubtala fi talab al-ilm. Tu vas t'éprouver dans l'apprentissage de la science. Donc tu dois endurer les épreuves et patienter. Hatta tablugha al-ghaya. Si tu veux atteindre ton but. Et tu vas patienter et tu vas endurer les épreuves qui vont s'opposer à toi lorsque tu vas appliquer cette science. Tu endures les épreuves. Tu endures les épreuves lorsque tu appliques ta religion. Mahma kallafa kadhalik. Peu importe ce que cela va te coûter, tu patientes et tu endures dans la pratique de ta religion. Wa la takhaf min ahad. Et tu ne crains personne. La takhaf min ahad. لأن العاقبة للمتقين كما قال سبحانه وكلامه هو وكلامه صدق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. Donc tu ne dois craindre personne dans la pratique de ta religion, car nul ne peut te faire de mal en réalité, car Allah SWT nous dit dans le Coran que la bonne fin, l'aboutissement honorable, le bon aboutissement viendra pour les pieux, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est eux qui auront une bonne fin. C'est eux qui vaincront. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est véridique. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'il allait secourir les croyants. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al ashhad. Certes, Allah SWT nous dit, certes, nous allons secourir nos messagers et ceux qui ont cru dans la vie d'ici-bas et le jour où les témoins se lèveront. Allah subhanahu wa ta'ala nasirun dinahu wa kitabahu wa rasulahu wal mu'minin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala viendra au secours de sa religion, de son livre, le Coran, de son messager, et il viendra au secours des croyants. Fakun minhum, donc sois parmi eux. In aratta an-nasra wal-fawza fi dunya wal-akhirah. Si tu veux obtenir la réussite sur terre et dans l'au-delà, alors sois parmi les croyants. Car c'est eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala va secourir. فعليه على المسلم أن يصبر ويتحمل ويستمر في الدعوة ما دام أنه على حق. Donc il est une obligation, le musulman doit endurer et supporter les épreuves et être constant, ne jamais lâcher dans la da'wa tant qu'il est sur la vérité. Radian sawab Allah, en espérant par là obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kama huwa tariqu ar-rusulul kiram, comme ceci est le chemin des messagers. Wa laqad kudhibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ceci vaut aussi à toute la communauté. Il dit, certes, des messagers avant toi ont été démentis. Mais ils ont enduré les mensonges qui étaient proférés à leur égard. Et ils ont enduré les obstacles et les persécutions jusqu'à ce qu'est venu notre secours. فكن من هؤلاء من الذين صبروا ولا تكن من الذين قال الله فيهم ومن الناس من يقول آمنا فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. Donc ne sois pas parmi ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite dans le verset lorsqu'il dit, et parmi les gens, il y en a qui disent nous croyons. La yakfi mujarrad al-qawl annahu yaqul amanna. Il ne suffit pas simplement de dire je suis un croyant, je suis un musulman. La budda an tuhaqqiq hadha al-iman. Tu dois concrétiser cette foi. Donc Allah nous dit dans ce verset, et parmi les gens, il y en a qui disent nous croyons. Puis lorsqu'ils sont éprouvés dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils font de l'épreuve des gens, ou ils mettent l'épreuve des gens au même niveau que le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais expliquer après ce qu'il a voulu dire par là. Ou maintenant je vais l'expliquer. Puis lorsqu'ils sont éprouvés dans le sentier d'Allah, ils font de l'épreuve des gens, ils mettent l'épreuve des gens au même niveau que le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, Cheikh Abdurrahman al-Sa'di dans son tafsir, il explique ce verset, il dit annahum firaran min azabin nas waqa'u في المعصية التي تؤدي إلى عذاب الله. فكان سووا بين عذاب الله وبين عذاب الناس وأذى الناس. Donc Cheikh Abd al-Rahman al-Sa'di, je cite ça tout dans le sens parce que je ne me souviens pas exactement des termes qu'il a employés, mais il dit que ces personnes-là, en fait, lorsqu'ils ont été éprouvés dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour éviter les épreuves et pour éviter les persécutions de la part des hommes, de la part des êtres humains, eh bien, ils sont tombés dans le péché. Ils sont tombés dans le péché qui va les amener à quoi? Au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَكَأَنَّهُمْ قَدَّمُوا وَعَظَّمُوا عَذَابِ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ تَعْظِيمِ عَذَابِ اللَّهِ. C'est comme s'ils avaient yani, considéré le châtiment qui vient de la part des hommes plus grand et plus grave et plus dur que le châtiment qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et donc dans la suite du verset, Allah dit: et lorsque vient un secours de la part de ton Seigneur, ces gens-là, hein, lorsqu'il y avait les épreuves, ces gens-là, tu les voyais, tu quoi, ils ont fui, hein, ils sont tombés dans le péché, ils ont délaissé les musulmans, hein, ces gens-là, lorsque vient le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala aux musulmans, ils reviennent vers les musulmans et ils disent: nous étions avec vous. نعم المؤمن هو الذي يبقى مؤمنا في السراء والضراء. Le vrai croyant, c'est celui qui va rester croyant, qu'il soit dans la difficulté ou dans la facilité. وفي آخر الآية قال: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. Il dit: et certes, Allah n'est-il pas celui qui connaît le mieux ce qu'il y a dans le cœur des gens? Il sait celui qui est sincère dans la pratique de sa religion et celui qui ne l'est pas. لعلنا نقف على هذا ونواصل بعد ربع ساعة بعد ربع ساعة نعم ونأخذ فسحة. Donc, nous allons marquer une petite pause, Inch'Allah. Pour ceux qui veulent se restaurer, comme le frère a dit, il y a un barbecue à l'extérieur, Inch'Allah. Et donc, nous revenons dans 15 minutes pour terminer ce cours, Bi'idhnillahi Ta'ala.